Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM que j'ai intitulée Assurance chômage. Les nouvelles mesures. Alors, bah oui, j'en avais parlé il y a déjà plusieurs mois en arrière, suite aux négociations qui avaient échoué au niveau de l'assurance chômage, une édicte entre les partenaires sociaux et le gouvernement a pris bien sûr le parti des employeurs et a restreint considérablement le droit des chômeurs. Alors la réforme de l'assurance chômage s'applique à compter du 1er novembre, ben oui, les chômeurs vont le sentir passer, et va se traduire par un changement de règles. Dans le viseur, les conditions d'accès à l'indemnisation qui vont être drastiquement durcies. Désormais, il faudra avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois pour pouvoir être indemnisé, contre 4 sur 28 mois jusqu'à présent. De plus, les droits rechargeables, mesures obtenues en particulier par les organisations syndicales, en 2014, qui permettait de prolonger ses droits en cas de reprise d'activité, n'ont plus de rechargeable que le nom. Il faudra avoir retravaillé 6 mois contre 1 mois actuellement pendant sa période de chômage pour voir son indemnisation prolongée. Là, on a un recul assez fantastique par rapport à ce qui existait. L'effet de ces mesures va être terrible pour de nombreux demandeurs d'emploi. C'est ce que confirme l'étude d'impact de l'UNEDIC rendue publique à la fin septembre. En une année, 710 000 personnes seront concernées par ces mesures. 200 000 seront tout bonnement exclues de toute indemnisation. 210 000 verront leur accès à une allocation retardée de 5 mois en moyenne. Et 300 000 auront une durée d'indemnisation plus courte. Et ce n'est qu'un début. Une deuxième salve de mesures applicables à partir du 1er avril s'attaquera au mode de calcul de l'allocation et pourrait se traduire pour 850 000 demandeurs d'emploi par une baisse de leur allocation. Les agents de Pôle emploi seront en première ligne pour gérer cette situation ultra tendue afin d'anticiper au mieux. Ils ont fait partir 2 millions de courriers d'information aux allocataires. La CFDT de son côté, organisation syndicale, mais elle n'est pas toute seule, continue d'alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur le drame qui se joue et le risque bien réel d'un basculement de nombreux demandeurs d'emploi au RSA. Pour faire des économies, le gouvernement semble prêt à tout, y compris à rogner les droits des demandeurs d'emploi, créant des trappes à la pauvreté. C'est ce que déclare en particulier Laurent Berger de la CFDT. Voilà, et puis j'avais parlé longuement lors d'une précédente chronique de l'accès aussi à Pôle emploi, ou l'accès informatique à Pôle emploi qui est extrêmement compliqué demain, le contrôle des chômeurs qui va être extrêmement renforcé, à tel point qu'on va assister, bien sûr, à des radiations de plus en plus importantes des chômeurs. Mais là, ça a commencé dès le mois de juillet dernier, juin ou juillet dernier. Voilà, en sachant qu'il faudra bientôt être un expert en informatique pour pouvoir profiter des prestations de l'assurance chômage. Et si on n'a pas d'ordinateur chez soi, ou bien si on n'a plus le moyen de payer les communications, eh bien, ça va être d'autant plus difficile. Et puis, je tiens à souligner, j'en ai déjà parlé, mais de la pauvreté. Eh bien, on est de plus en plus pauvres. Avoir un emploi de qualité, accéder à l'éducation, se soigner, partir en vacances, vivre dans un logement décent. Une chimère pour 9 millions de Français, soit 14,7% de la population. D'après l'INSEE, 400 000 personnes supplémentaires vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. 10 026 euros par mois. Vous savez, 10 026 euros par mois, je connais nombre de retraités en particulier, mais pas seulement, nombre de personnes handicapées qui ne les ont pas, puisque les allocations sont bien en dessous de ce seuil. C'est 1 026 euros par mois pour une personne seule. Par rapport à 2017, parmi eux, 1 million de travailleurs, parce qu'il y a aussi des travailleurs pauvres, bien sûr, hein, qui sont qu'à temps partiel, par exemple, 7% des salariés et 3 millions d'enfants, 1 sur 5, malgré les politiques publiques de lutte contre la pauvreté menées par les gouvernements successifs, ces chiffres ne baissent pas. Sur 10 ans, ils empirent. S'emporte Marine Léon, d'une organisation syndicale, voilà. Voilà que dire, hein, par rapport à ça, ben, que la France de Macron, ben, on est de plus en plus pauvre et que les inégalités sont de plus en plus gigantesques dans ce pays. Et on s'attaque à l'assurance chômage pour des... Hein, et c'est souvent les plus précaires, les plus démunis qui vont, bien sûr, en faire les frais. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.